Vous êtes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire. Et nous commençons maintenant le deuxième point de notre premier chapitre, alors que nous abordons l'importance des découvertes archéologiques. Une importance qui est considérable, pour ne pas dire colossale, sur l'amplification, l'élargissement et la diversification des connaissances que nous avons sur l'origine de l'histoire de la Chine. Depuis le début du 20e siècle, la compréhension que nous avons de l'histoire de la Chine n'a cessé de se transformer et de se préciser, notamment sur la question des origines grâce à un nombre considérable de découvertes archéologiques. Ces découvertes ont contribué à remettre en question des pans entiers du savoir, à préciser et à élargir nos connaissances au sujet de l'Antiquité et des origines de la civilisation chinoise. Tout ça parce que grâce aux innombrables artefacts ainsi découverts, les sources écrites n'avaient plus le monopole de l'interprétation du passé. Quand on regarde l'ensemble du 20e siècle, on retrouve trois grandes périodes de découvertes archéologiques. Et celles-ci sont toutes liées à des périodes de développement important de l'État et de la société. On trouve d'abord la période 1920-1937, soit entre les deux grandes guerres mondiales. On a aussi la période 1950-1970, période qu'on appelle souvent la période maoïste, et enfin la période qui débute avec les années 80 pour se rendre jusqu'à aujourd'hui. Tout au long du 20e siècle, on retrouve une relation très intime. On retrouve un lien direct entre les découvertes archéologiques et la modernisation, voire la transformation du pays. On a l'impression parfois que les découvertes archéologiques sont non seulement tributaires, mais aussi conditionnées par un processus de modernisation. On voit ce lien assez facilement dans le fait que de nombreuses découvertes archéologiques ont été faites de manière purement accidentelle, suite, par exemple, à des travaux d'excavation qui visaient le développement, que ce soit pour la construction de nouvelles infrastructures, comme des routes, des édifices ou des projets de canalisation. Parmi les cas les plus célèbres de ce genre de découvertes accidentelles qui viennent bouleverser complètement les représentations du passé, on peut prendre l'exemple de ces fermiers qui se trouvaient en 1974 dans la région de la ville de Xi'an. Alors qu'ils creusaient le sol pour y forer un puits afin d'obtenir de l'eau, ils découvrirent accidentellement ce qu'on connaît aujourd'hui comme le mausolée et l'armée de soldats en terre cuite du premier empereur Qin Shi Huangdi, personnage sur lequel on reviendra prochainement. La modernisation et le développement permettent de faire des découvertes archéologiques. Mais il y a un autre lien qui me semble important à mentionner entre modernisation et découvertes archéologiques. C'est le fait tout simplement que parfois, sans une modernisation des idées, rien de ce qu'on appelle des découvertes archéologiques ne pourrait exister. On peut dire, sans trop se tromper, que certaines idées modernes, parfois des idées plus rationnelles, sans ces idées modernes, les différents objets qui ont été trouvés dans le sol n'auraient pas la même signification pour les populations concernées. À titre d'exemple, on pouvait trouver dans la pharmacopée chinoise jusqu'à la fin du 19e siècle ce qu'on appelait jadis des os de dragon, auxquels certaines personnes attribuaient d'importantes vertus curatives et médicinales. Or, ces os, incluant notamment des carapaces de tortue, des omoplates de bœuf, avaient des inscriptions gravées sur elles, et on le sait aujourd'hui, ces os servaient dans les pratiques de divination de la Chine ancienne. Ce qu'on croyait alors être des os de dragon constitue en fait le corps de ce qu'on appelle le Tiaguan, considéré aujourd'hui comme le premier système d'écriture organisé de la Chine, un système d'écriture qui se serait formalisé autour de 1400 avant notre ère. Ainsi, on voit que des idées nouvelles sont parfois requises si on veut pouvoir représenter adéquatement ce que les traces du passé nous ont légué en héritage. Sur le lien spécifique entre l'archéologie et la modernisation du pays, on peut aussi rappeler que c'est la modernisation de la Chine qui a permis le développement de la science archéologique au 20e siècle. L'enrichissement de la société et l'accumulation des nouvelles idées ont directement contribué au développement d'une science archéologique dès les premières décennies du 20e siècle, avec l'apparition des premières universités et des programmes de recherche en archéologie. Finalement, même si les lieux d'excavation sont parfois limités par de très fortes concentrations démographiques de population, et même si les découvertes de nouveaux artefacts peuvent offrir une connaissance qui est nécessairement fragmentaire, les découvertes archéologiques ont considérablement élargi l'ampleur du temps préhistorique que nous connaissons au sujet de la Chine, en ajoutant aux sources écrites du passé et en enrichissant la variété des perspectives que nous avons sur le sujet. Les sources écrites situaient le début des dynasties légendaires. Les trois dynasties légendaires, on les situait au début du troisième millénaire avant notre ère. L'archéologie a plutôt montré qu'il nous faut remonter beaucoup plus loin dans le temps pour trouver les origines de la civilisation chinoise. Parmi les découvertes les plus significatives qu'on a faites, on note la découverte dans les années 1920 de ce qu'on appelle l'homme de Pékin. C'est un Homo erectus qui a vécu au Paléolithique, quelque part entre 400 000 et 200 000 ans avant aujourd'hui, sur le site qu'on appelle Chokotien, un site qui est situé au sud-ouest de la ville de Pékin. Le site de Chokotien, c'est un site qui aurait été peuplé d'une quarantaine d'individus, et lors des excavations qui ont principalement eu lieu entre 1921 et 1937, on a trouvé des dents, des crânes et des ossements humains en quantité importante, ainsi qu'une quantité d'environ 100 000 outils de silex sur l'ensemble du site. Les découvertes archéologiques nous montrent que l'homme de Pékin était chasseur-cueilleur. On sait qu'il savait aussi pêcher. La viande de cerf constituait près de 70 % de son alimentation de base, mais on a aussi trouvé sur le site des traces des restants de léopards, des ours, des tigres, des hyènes, des chevaux et même des chameaux, éléphants et rhinocéros. On sait que l'homme de Pékin utilisait le feu, mais on n'a trouvé nulle trace de rituel funéraire pour cette époque de l'histoire. Les données archéologiques sur la période du Paléolithique demeurent relativement fragmentaires, mais les informations que nous avons sur la période qui correspond au Néolithique sont beaucoup plus précises et beaucoup plus nombreuses. Le Néolithique en Chine, c'est une période qui débute grosso modo entre 12 000 et 10 000 avant notre ère, selon les différents endroits observés. C'est à partir de cette époque qu'on parvient à identifier des dynamiques de diffusion entre les régions, notamment pour des techniques agricoles. Les données archéologiques actuelles montrent qu'aux environs de 8 000 avant notre ère, il existait plusieurs foyers de peuplement distincts qui étaient identifiables, et ça témoigne d'une importante diversité qui était répandue sur différents endroits du territoire de la Chine d'aujourd'hui, tant au nord, à l'est, à l'ouest et dans le sud du territoire. En fait, aux environs de 6500 et 5000 avant notre ère, on est en mesure de distinguer clairement des modèles de développement agricole distincts entre la Chine du Nord et la Chine du Sud. Ces modèles reflètent des spécialisations régionales, alors que les foyers situés dans le nord de la Chine, notamment dans la vallée de la rivière Wei, pratiquaient une agriculture sèche qui reposait principalement sur la culture de céréales comme l'orge, le blé ou le millet. À l'opposé, les foyers culturels qui étaient établis plus au sud, notamment ceux qu'on retrouve dans la région de l'estuaire du fleuve Yangtze, s'appuyaient principalement sur la riziculture inondée ainsi que sur la pêche. Parmi les principaux sites qui ont été répertoriés à cette époque, on note d'abord ce qu'on appelle la culture de Yangshao. C'est une culture qu'on situe entre 5000 et 3000 avant notre ère dans la région de la vallée de la Wei. Le nom Yangshao fait référence à un type de poterie spécifique qui est reconnaissable et qui est très caractéristique. Et c'est un nom qui désigne aussi parfois la première grande société agricole qui est connue en Chine. On sait qu'à l'époque, les grains et les céréales étaient placés dans des jarres de céramique afin de faciliter la conservation. Et les jarres de céramique étaient décorées avec des motifs et des représentations picturales inspirées autant de la nature que du monde animalier. L'évolution de ces motifs qu'on trouvait sur les céramiques suggère déjà une forme de régionalisation des symboles et surtout, on remarque une transformation graduelle vers des symboles graphiques de plus en plus abstraits. Pour certains spécialistes, il s'agirait là d'une ébauche de langage visuel dont on tarde encore à trouver l'ensemble des preuves. Comme ébauche de langage, par exemple, on mentionne que le symbole de l'oiseau ressemblait à un tourbillon sur certaines céramiques. Le symbole du poisson ressemblait à un quadrillage, par exemple, ainsi de suite. Les populations de cette époque vivaient dans des maisons rondes ou quadrangulaires et les maisons étaient pour la plupart semi-souterraines. On creusait aussi un foyer d'une profondeur de 5 ou 6 mètres pour séparer un groupe d'habitations du reste du territoire. À l'époque, les fosses funéraires suggèrent aussi qu'il y avait une importante hiérarchisation sociale qui était commencée et que cette hiérarchisation sociale se transmuait aussi dans l'au-delà, incluant notamment une séparation entre les hommes et les femmes. Parmi les autres cultures identifiées sur le territoire de la Chine à cette époque, on note la culture de Dawenko, entre 4300 et 2400, une culture qui est située cette fois dans la péninsule du Shandong, un peu plus à l'est que la précédente. La culture de Dawenko est une culture qui est très proche d'une autre culture qu'on appelle Longshan, qui a été entre 2400 et 1800 avant notre ère. Les céramiques de la culture de Dawenko et de Longshan étaient plus minces, étaient lustrées et plus sombres que celles qu'on a identifiées dans la culture de Yangshao. Il s'agit là de trois exemples, uniquement trois exemples qui sont parmi les plus connus des cultures de cette époque. Mais il y a d'autres cultures contemporaines de celles-ci qui ont existé plus au sud de la Chine. Notamment, on retrouve la culture qu'on appelle de Emutu, aux environs de 5500 à 3300 avant notre ère, une culture qui était répandue dans la région de l'estuaire du fleuve Yangtze. Plus récemment, on parle beaucoup de la culture de Sanxingtui, une culture qu'on situe aux environs de 2800 à 800 avant notre ère, qui était cette fois située dans l'ouest de la province du Sichuan, et c'est une culture qui suscite la fascination de nombreux observateurs, surtout depuis la découverte, à partir de 1986, de nombreux artefacts de cuivre au style ulique, des artefacts monumentaux qui valent vraiment le coup d'œil. Donc, la culture de Sanxingtui, S-A-N-X-I-N-G-D-U-I. Contrairement à ce que nous ont enseigné par le passé, les récits traditionnels qui s'appuyaient essentiellement sur les textes classiques, Les découvertes archéologiques qui se sont multipliées depuis le début du 20e siècle nous montrent que la civilisation de la Chine, c'est pas une civilisation qui a essaimé d'un foyer unique de peuplement qui se serait ensuite diffusé auprès des populations barbares environnantes. On retrouve plutôt, dès les origines de la civilisation, une mosaïque de peuplements distincts, ayant des pratiques agricoles et culturelles qui leur étaient propres. Au cœur de cette mosaïque culturelle, les archéologues sont tout de même parvenus à trouver quelques éléments partagés par la plupart de ces foyers distincts. La plus importante similitude qu'on retrouve entre ces foyers distincts concerne la primauté accordée au jade dans les rituels funéraires de l'époque. Certains auteurs, dont Daniel Elisséef, parlent de l'ubiquité du jade pour montrer comment certaines pratiques étaient répandues, au point de constituer ce qu'elle appelle un embryon de civilisation commune entre les différents foyers de peuplement. Concernant les dynasties que nous appelons les dynasties légendaires, les découvertes archéologiques ont contribué à approfondir nos connaissances sur de nombreux sujets spécifiques. Mais il demeure encore au sujet de ces dynasties légendaires beaucoup de zones grises qu'il nous reste à explorer. Il s'agit en fait d'un des domaines du savoir parmi les plus actifs encore de nos jours, puisque c'est un domaine qui est tributaire de découvertes archéologiques très récentes, mais aussi de découvertes qui sont à venir. L'historicité réelle des premières dynasties chinoises est avérée par l'ensemble des spécialistes, mais par contre, ceux-ci ne s'entendent pas sur de nombreux éléments, notamment au sujet de la première dynastie, celle des Xia, qu'on situe entre 2200 et 1750 avant notre ère, sur laquelle nous ne disposons que de très peu d'informations précises. On sait par exemple, à la lumière des découvertes archéologiques autour du site de Erlito, que c'est à l'époque de la dynastie Xia que sont apparues les premières cités-palais. Mais il subsiste de nombreux doutes et de nombreuses interrogations sur les composantes de la structure politique de l'époque. La culture de Erlito est située entre 1900 et 1500 avant notre ère. C'est une culture qui correspond au début de l'âge du bronze, une culture qui atteignit rapidement de très hauts standards de qualité et de raffinement pour le travail du bronze, pour des produits comme la vaisselle sacrificielle, les motifs décoratifs, les chars de guerre ou des éléments architecturaux. La Chine de l'époque était forte d'une connexion commerciale avec l'Asie centrale, ce qui a permis notamment l'importation du jade, et l'artisanat du jade a continué à se développer alors que les rituels funéraires devenaient de plus en plus complexes. L'historicité des dynasties se précise par la suite et on sait que c'est à l'époque de la dynastie Shang, entre 1750 et 1040 avant notre ère, que l'institution de la royauté sacrée fut formellement établie. Le roi, à l'époque, avait une fonction sacerdotale qui était essentiellement liée aux ancêtres. Cette fonction sacerdotale s'exprimait via des arts divinatoires qui étaient en lien avec le développement du calendrier. Et cette fonction a contribué à l'émergence d'un système d'écriture formalisé, le Tiaguan, sur lequel on reviendra au cours de la semaine prochaine. On sait qu'il y a une trentaine de rois qui se sont succédés à l'époque de la dynastie Shang et que ceux-ci ont occupé sept capitales successives, donc sept différentes capitales, dont la plus célèbre a été la ville de Anyang, qui constitue un des sites archéologiques les plus complets parmi ceux que nous avons trouvés jusqu'ici. Il y a une cinquantaine d'édifices sur le site de Anyang qui ont été trouvés au sein de la capitale, et les techniques architecturales de l'époque, les techniques de coffrage étaient très avancées. s'agissait d'une technique de mur en terre battue qu'on appelle Hangtu, qui était alors très répandue déjà. Signe de l'avancement de ces techniques de coffrage, si on prend l'enceinte murale de la ville de Changzhou, qui est une autre capitale de l'époque des Shang, la ville de Changzhou avait un diamètre de 3 km avec des murs de plus de 27 pieds de hauteur. Pour ce qui est des rituels funéraires de l'époque, la tombe royale de Anyang, une tombe qui a été découverte en 1972, a révélé une pièce de 40 mètres par 10 mètres de dimension, une pièce qui était remplie d'un mobilier funéraire extrêmement varié, incluant des feuilles d'or, de la vaisselle, des armes, des pièces de bronze et de jade. Et c'est une pièce qui révélait aussi des ossements appartenant à une cinquantaine d'animaux et 79 humains différents. Les bronzes de l'époque de la dynastie Shang sont encore à ce jour considérés parmi les plus grands accomplissements artistiques de l'ensemble de l'histoire humaine. Mais je m'arrête ici pour aujourd'hui pour la portion historique et on poursuivra notre récit la semaine prochaine. On va aussi revenir, comme promis, sur la signification du titre de notre récit « À dos de tortue ». Mais avant de partir, revenons à notre thème de la journée, un thème qui porte sur l'enfance, afin de nous permettre de conclure l'émission. On a débuté aujourd'hui avec une chanson dont le titre évoquait une expression certainement parmi les plus répandues que les enfants chinois se font dire « en guai ». Continuons donc dans cette même perspective en soulignant des mots importants qu'on dit à nos enfants. Quelle est la dernière chose qu'on dit, ou plutôt, quelle est la dernière chose qu'on devrait dire tous les jours à nos enfants? C'est une petite phrase toute simple qu'on leur répète tous les jours avant qu'ils aillent dormir. Bonne nuit. Souhaiter bonne nuit à un enfant, c'est l'aider à tourner la page sur la journée. Tourner la page sur les bonheurs autant que sur les malheurs. Et c'est exactement ce que nous dit la chanson du groupe Reflector, Fang Guangqing. Voici une chanson intitulée « Bonne nuit Pékin, Wanan Beijing ». C'est une expression qui nous permet d'oublier les temps difficiles, tourner la page sur aujourd'hui et continuer à faire briller l'espoir que demain viendra, bientôt, bientôt. Alors voici Wanan Beijing par le groupe Reflector. Je vous laisse ici pour le moment. On se revoit la semaine prochaine. Woman, xia zi zai tian ba. Ni ting, shi shenme shengyin lai lai hui hui xuan zhuan. Ni ting, shi shenme shengyin lai lai hui hui xuan zhuan.